Méditons ensemble le rendez-vous quotidien avec Dieu à travers la réflexion sur les Saintes Écritures. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Que la grâce et la bénédiction du Seigneur Jésus-Christ vous soient accordées pour les jours vers lesquels nous marchons. Oui, chers amis auditeurs, nous sommes le mercredi 4 décembre 2019 et ce jour marque le 338e jour de l'année. Nous prions que les 27 jours à venir soient favorables à votre égard. Le lecteur de la Bible 2019 nous permet de lire Jérémie chapitre 24, les versets 1 à 10. Le chapitre 24 relate une vision de Jérémie après la première et la principale déportation qui eut lieu en 597 avant Jésus-Christ, 11 ans avant la destruction de Jérusalem. Les Babyloniens emmenèrent les responsables du peuple ainsi que les artisans. Le roi Jéhoiakim fit lui aussi parti du voyage et fut remplacé par son oncle Sédécias. Tous les détails de cette vision, de cette prophétie de Jérémie dans cette émission. Bonne nouvelle pour tous ceux qui utilisent le lecteur de la Bible. Le lecteur de la Bible 2020 est déjà disponible au siège de la Ligue pour la lecture de la Bible à Cocody-Mermoz. Vous pouvez aussi la voir au kiosque de la radio de la vie, ici à Fréquence Vie. Nous recevons avec beaucoup de plaisir l'apôtre Kinda Moïse et le pasteur Edwige Kinda. Ils sont de l'église La Vision Apostolique Eva, située à Kumasi, Zoé Bruno. Bonjour, apôtre Kinda. Bonjour, monsieur Adombi. Bonjour, pasteur Edwige. Bonjour, monsieur Adombi. À la présentation, votre serviteur Adombi Alex Pacom, la mise en nom de l'affaire d'Emmanuel Yao et d'Edouard Yao. Sans plus tarder, nous allons permettre à l'apôtre Kinda de prier pour ce moment. Nous bénissons ton nom, Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, pour cette matinée que tu nous donnes, Seigneur, de constater, d'observer, dans laquelle tu nous maintiens dans tes grâces, éternel notre Père, et nous te bénissons pour toute cette grâce portée à l'endroit de chacun de nous, à l'endroit de tes enfants ici-bas. Et merci pour cette journée qui est bénie encore et encore par ton esprit, dans le seul nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Lisons ensemble le texte du jour, Jérémie chapitre 24, les versets 1 à 10. Nous lisons dans la Bible, version Louis II, verset 1. L'Éternel me fit voir deux paniers de figues posés devant le temple de l'Éternel après que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, eut emmené de Jérusalem et conduit à Babylone Jéconia, fils de Jéhoiakim, roi de Juda, les chefs de Juda, les charpentiers et les serruriers. L'un des paniers contenait de très bonnes figues, comme les figues de la première récolte, et l'autre panier de très mauvaises figues qu'on ne pouvait manger à cause de leur mauvaise qualité. Verset 3. L'Éternel me dit, « Que vois-tu, Jérémie ?» Je répondis, « Des figues. Les bonnes figues sont très bonnes et les mauvaises figues sont très mauvaises et ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité. » La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Comme tu distingues ces bonnes figues, ainsi je distinguerai pour leur être favorable les captifs de Juda que j'ai envoyés de ce lieu dans le pays des Chaldéens. » Verset 6. « Je les regarderai d'un œil favorable et je les ramènerai dans ce pays. Je les établirai et ne les détruirai plus. Je les planterai et ne les arracherai plus. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. » Verset 8. « Et comme les mauvaises figues qui ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité, dit l'Éternel, ainsi ferai-je devenir Sédécias, roi de Juda, ses chefs et le reste de Jérusalem, ceux qui sont restés dans ce pays et ceux qui habitent dans le pays d'Égypte. Je les rendrai un objet d'effroi de malheur pour tous les royaumes de la terre, sujet de propre, de sarcasme, de raillerie et de malédiction dans tous les lieux où je les chasserai. Verset 10 pour mettre fin à notre lecture. J'enverrai parmi eux l'épée, la famine et la peste jusqu'à ce qu'ils aient disparu du pays que j'avais donné à eux et à leur père. Amen. Amen. Amen. Merci de suivre Méditons ensemble avec nous, chers amis auditeurs. Nous sommes le mercredi 4 décembre 2019. Le lecteur de la Bible nous donne de lire Jérémie chapitre 24, composé de 10 versets. L'apôtre Kinda Moïse est avec nous, avec le pasteur Elvis Kinda. Bonjour, apôtre. Bonjour. Alors, on va commencer avec l'idée générale de ce texte que nous lisons. Alors, le texte de Jérémie 24, les versets 1 au verset 10, nous enseigne simplement sur la question de la conversation de Dieu avec son prophète, à partir donc d'une vision que Dieu va lui révéler, qui véritablement a pour sujet deux paniers de figues posés devant le temple. Ici, le texte est véritablement le dixième message que Dieu adresse à la nation de Juda en ce moment. D'accord. Jérémie chapitre 24, verset 1 à 10, et amis auditeurs, nous allons observer ce texte, l'interpréter et faire des mises en application vers la fin de l'émission avec nos deux invités, l'apôtre Kinda et le pasteur Edwis Kinda. Alors, on va proposer donc un découpage des mouvements pour l'observation en détail, et le couple pastoral nous propose deux mouvements, les versets 1 à 3, Dieu fait l'état des lieux, et puis deuxième mouvement, les versets 4 à 10, Dieu prononce sa justice. On va voir les détails de ces mouvements tout à l'heure avec nos invités. Premier mouvement donc, les versets 1 à 3, Dieu fait l'état des lieux. Vraisemblablement ici, Dieu fait l'état des lieux tout simplement parce que à partir de la vision, Dieu va relater deux qualités de paniers, deux types de paniers. Le premier est un panier de figues, mais de bonne qualité, et le second de mauvaise qualité. Alors Dieu fait référence donc ici à l'état des lieux tout simplement parce qu'il parle à partir d'un panier donc de bonnes figues, de ceux-là même qui ont été exilés à Babylone, mais qui sont partis par la volonté de Dieu. Souvenons-nous que Dieu utilisait le prophète pour demander au peuple, au roi, de se soumettre, de se rendre à Nebuchadnezzar le roi. Et donc ceux qui sont partis en déportation étaient dans le plan de Dieu. C'était de bonnes figues, contrairement à ceux qui sont restés, qui dans leur orgueil, ayant été peut-être épargnés, croyaient qu'ils étaient dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu, et avec eux aussi, non pas qu'eux, mais ceux qui sont allés se réfugier en Égypte. Donc ici, Dieu, à partir de cette vision avec son prophète, le prophète Jérémie, fait l'état des lieux des exilés et de ceux qui sont restés, mais qui en réalité sont désobéissants. D'accord. Deuxième mouvement, le verset 4 à 10, Dieu va prononcer sa justice. Alors, des versets 4 au verset 10, nous voyons véritablement que Dieu va prononcer sa justice. Il prononce sa justice dans la signification donc de la vision. Oui. Et le premier jugement de Dieu se porte sur la question même de sa grâce manifestée sur la personne des exilés à Babylone. Oui. Donc, des versets 4 au verset 7, ils n'y sont pas partis de par leur propre force, mais quand nous regardons des jeunes comme Daniel, comme Shadrach, Meshach et Abednego, qui ont évolué et qui ont occupé des postes stratégiques dans un pays qui n'était pas la leur, nous pouvons dire que véritablement Dieu était avec eux. Et donc, Dieu prononce sa justice, mais dans laquelle justice il manifeste sa grâce à l'égard des exilés qui, eux, étaient véritablement dans le plan de Dieu. On peut dire quoi? Qu'en tant qu'exilé, normalement, on pouvait considérer ça comme étant une sanction de Dieu. Malheureusement, pour ceux qui n'ont pas compris, c'était bel et bien la volonté de Dieu, donc la grâce manifestée. Alors, on a l'impression que Dieu les a protégés en les retirant de Jérusalem, qui allait être détruit après, pour les conservés à Babylone. Oui, on a l'impression qu'ils sont un peu privilégiés. Voilà, ils ont été graciés par Dieu à cause de leur obéissance. D'accord, parce que le message était qu'il fallait se soumettre au roi de Babylone. Bien clair. Sûr. D'accord. Et donc, nous voyons également dans le deuxième sous-point de notre deuxième axe, la condamnation du reste de Juda. Tantôt, comme je le disais, ceux qui sont restés, qui croyaient qu'ils étaient dans la grâce, qui malheureusement étaient sous la sanction de Dieu, et ceux-là même également qui se sont exilés dans le pays d'Égypte et croyant que Dieu était également avec eux. D'accord, on va revenir sur ce comportement du reste du peuple condamné à partir des versets 8 à 10, notamment avec Sédécias. Sédécias ne se référait pas à l'Éternel, il y avait des idoles. Quand on décrit ce roi, on voit les caractéristiques, c'était un roi impie. Oui, nous voyons que c'était un roi impie, et là même, il avait encore à sa guise et la grâce de Dieu. Voilà, le faux prophète comme Anania. Oui. Et voilà, il avait cette grâce de pouvoir faire le choix d'écouter la voix de Dieu, mais il n'a pas considéré cette voix de Dieu. Il a été fermé à cette voix de la grâce, et voici que la sanction est tombée, et voilà, il a montré qu'il n'avait pas les caractéristiques d'un roi vrai d'Israël. Surtout qu'il a été influencé aussi par ce faux prophète-là. Oui. Donc, peut-être que l'orgueil a pris le dessus. D'accord. Et puis, voilà. Il a été nommé par Nebuchadnezzar, pour nous rappeler. Bien sûr. D'accord. Merci de suivre. Méditons ensemble, chers amis auditeurs. Nous lisons le Jérémie chapitre 24, le verset 1 à 10 avec l'apôtre Kinda, le pasteur Edwige Kinda. Nous allons maintenant, après l'observation, passer à l'étape que nous appelons l'interprétation. Deux questions vont nous permettre d'interpréter ce texte. Première question, qu'est-ce que ce texte nous apprend sur Dieu? On a l'impression, en lisant ce texte, que ceux qui sont restés sont privilégiés, mais c'est tout à fait le contraire. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on apprend sur Dieu, justement? Alors, ce que ce texte nous apprend sur Dieu, et il y a tellement de choses, mais pour nous relater que ce que j'ai noté, le texte nous enseigne que Dieu est favorable au cœur obéissant. D'accord. Voilà. Également, qu'il condamne les infidèles, mais que Dieu est lui-même justice. Voilà. C'est l'un des attributs de Dieu. Dieu est justice. Et je pense que le pasteur Kinda a quelque chose à dire sur la question de Dieu. Oui, c'est plutôt le volet justice de Dieu qui est mis en exergue. Voilà, dans cette portion, nous voyons qu'il gratifie des personnes même qui sont en exil, mais exilées par sa faute, et aussi ils ont obéi à la voix de l'Éternel. Donc on peut dire Dieu aussi rend à chacun selon ses œuvres. D'accord. Parce qu'ils ont obéi à Dieu, et voilà qu'ils sont sous le couvert de la grâce de Dieu. D'accord. Voilà. On a l'impression, on peut le dire, que la justice de Dieu n'est pas forcément la justice des hommes. Non. Oui. Non. Parce que justement, ceux qui partaient, c'est un peu comme si c'était un jugement de Dieu, mais Dieu dit, je suis avec eux. Oui, c'est contradictoire dans l'analyse véritablement des choses, dans la logique des choses. On aurait pu dire que Dieu, utilisant ses prophètes pour prévenir la nation de Juda, par rapport à l'exil de la nation au-dessus, la nation du dessus, donc Israël, Juda n'était pas encore en déportation. Donc Dieu avait prévenu, et le peuple pouvait se plier. Et ceux qui sont partis devaient être considérés comme des maudits de la société. Donc sous la sanction de Dieu, mais comme ils ont obéi, et nous disons que Dieu, il est souverain, il fait ce qu'il bon lui semble. Donc ceux-là, contrairement à la question de l'exil, non, c'était oui l'exil, mais c'était salut la grâce. D'accord. On va s'intéresser maintenant aux vérités que nous découvrons dans ce passage prophétique. Alors, les quelques vérités que nous découvrons ici, c'est simplement que nous voyons par rapport à la grâce manifestée que Dieu, il est dans sa nature, dans son essence. Premier, il est amour. Dieu est amour. Il fait grâce au cœur qui lui obéissent. Il est justice. C'est aussi une vérité, nous l'avons dit déjà. Et aussi, Dieu humilie ceux qui lui résistent, comme ceux qui sont restés à Jérusalem et ceux qui sont déportés, non pas dans l'exil, mais en Égypte. On peut dire que Dieu fait grâce à ses bien-aimés, même au temps du malheur. Voilà. D'accord. Et aussi, il a parlé de l'amour de Dieu. Effectivement, l'amour de Dieu s'est manifesté étant en exil. Ils étaient sous la protection de Dieu. Aussi, on peut dire que Dieu restaure les humbles parce qu'ils ont quand même obéi à la voix de Dieu. Oui, oui. Comme il est dit, que Dieu fait grâce aux humbles et résiste aux orgueilleux. Voilà. D'accord. Méditons ensemble, s'intéresse au texte de Jérémie, chapitre 24, les versets 1 à 10, avec un couple de pasteurs. Il s'agit de l'apôtre Kinda Moïse et du pasteur Edwige Kinda. Avec nous donc, nous venons de mettre fin à l'étape appelée l'interprétation. La conclusion, c'est l'application. Qu'est-ce que nous allons retenir de ce texte, de cette vision de Jérémie qui nous relate les deux paniers pleins de figues? Le premier panier était plein de figues posées devant le temple, et dans ce premier panier, les figues étaient de très bonne qualité, alors que dans le deuxième panier, c'était des figues de mauvaise qualité. Nous allons conclure maintenant cette émission. Apôtre Kinda, qu'est-ce qu'on retient finalement par rapport à ce texte? Alors, donc, relativement à la question de l'interprétation, nous pouvons dire qu'on peut retenir beaucoup de choses, mais moi, ce que j'ai pu retenir, j'ai bien voulu retenir dans notre application ici, c'est Dieu fait grâce à qui il veut. Voilà. Parce que les exilés ne méritaient pas, normalement dans la logique, mais voici que Dieu leur a fait la grâce, contrairement à ceux qui sont restés à Jérusalem. Et je veux donc dire que tout simplement, en tout temps, en tout lieu, Dieu fait grâce à qui veut, et nous devons acclamer cette grâce accordée aux uns aux autres. D'accord, nous sommes pratiquement en fin d'année, il y a des personnes qui écoutent Méditons ensemble, comment voir cette grâce de Dieu manifeste dans la vie des uns et des autres? Alors cette grâce commence d'abord par une sorte d'espoir. On se donne de l'espoir, on se dit que certes nous sommes à la veille d'une année nouvelle et que c'est la fin d'une autre année. Il y a une porte entre ces deux années. Alors il serait bien séant de regarder certes en arrière cette porte qui se ferme, mais cette porte qui s'ouvre à l'horizon de l'année 2020 est comme pour dire « je veux saisir cette grâce ». Dieu nous aime. Quoi que nous ayons fait, qui que nous soyons, même si on s'était éloigné, on s'était égaré, qu'on avait désobéi à Dieu et qu'on le reconnaît du plus profond et que nous sommes entrés dans une vie d'instabilité totale, dans un sommeil véritablement de l'instabilité, je veux dire à quelqu'un, à l'image donc de ces exilés, si tu as pu t'éloigner de Dieu, simplement écoute cette voix qui te parle dans ton fond intérieur, il te fait grâce, il te veut dans sa présence, il allait à la croix pour toi, il te connaît, il t'aime, tends-lui la main et reviens à Jésus-Christ. Amen. Ok, nous retenons comme ça que Dieu n'abandonne pas ceux-là qui savent s'humilier. Voilà. Et ceux-là qui savent revenir à lui avec un cœur contrit. Aussi, Dieu nous fait don de son amour. Ici, l'amour de Dieu et sa justice est mis vraiment en exergue. Dieu nous fait don de son amour et de ses bontés qui ne sont jamais épuisées. Il a manifesté cette bonté à l'endroit de ce peuple exilé. Alors, on va terminer par la prière, pasteur Edwige Kinda. Alors, est-ce qu'il y a un sujet de prière pour lequel prier? Oui, il y a un sujet de prière, évidemment. Et ce sujet, comme on l'a dit, nous voulons être graciés par Dieu. Nous voulons être appréciés de Dieu, aimés de Dieu. Et pour cela, nous devons être obéissants. Donc, puisse Dieu nous donner un cœur obéissant. Voilà. Et nous sommes en fin d'année. Que Dieu nous donne la grâce de rentrer dans une nouvelle année avec un cœur obéissant, un cœur humble. Donc, cherchons réellement sa face. Pour ceux-là qui pensaient que Dieu les avait abandonnés, moi j'ai dit non, ses bontés sont inépuisables. Dieu est toujours là à nous de revenir à lui. Parce qu'au temps du malheur, lorsqu'on crie à Dieu et que nous sommes dans le plan de Dieu, Dieu ne nous abandonne pas. Voilà la prière pour moi, que Dieu donne à l'Église de revenir à lui, que Dieu donne à son peuple de s'humilier, que Dieu donne à son peuple de croire en son amour qui est toujours là pour nous. Amen. On va laisser le son à l'apôtre Kinda de prier pour nous. Père Céleste, nous te bénissons ce jour encore une fois de plus pour la grâce qui nous a accordée, Éternel, pour cette émission. Méditons ensemble. Je te dis merci pour, Seigneur, l'animateur et tous les auditeurs qui en ce moment sont en train de nous écouter et qui prient avec nous et méditent avec nous. Seigneur, relativement au texte de Jérémie, comme ces exilés, donne-nous d'avoir un cœur humble, un cœur soumis, obéissant à ta parole, car tu fais grâce à qui tu veux. Et qu'en cette fin d'année, Seigneur, tu te souviennes en manifestant ton amour à l'endroit de tous ceux qui s'étaient éloignés, toi, le berger par excellence, Seigneur, manifeste donc cet amour et Père éternel Dieu, accorde ta grâce afin que des mains puissent se tendre encore vers toi davantage et que le royaume des cieux connaisse son expansion, éternel notre Père. À toi seul soit rendue toute la gloire dans le nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Amen. Déclaration étonnante. C'est le titre de la note explicative de Jérémie chapitre 24, les versets 1 à 10 que vous pourrez lire à la page 146 dans le lecteur de la Bible édition 2019. Merci de nous rejoindre à la Ligue pour la lecture de la Bible pour le lecteur de la Bible 2020. Vous pouvez aussi la voir au kiosque de la radio de la vie, ici à Fréquence Vie. Nous avions reçu avec beaucoup de plaisir l'apôtre Kinda Moïse. Il est accompagné du pasteur Edwige Kinda de l'église La Vision Apostolique Eva située à Kumasi, Zoué, Pruno. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée. Merci surtout à Emmanuel Yaoub, la mise en nom de cette émission. On se retrouve demain. Shalom. Méditons ensemble le rendez-vous quotidien avec Dieu à travers la réflexion sur les Saintes Écritures. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105.